Radio Mont-Blanc, l'agenda. Saint-Pierre-en-Faucigny ce matin pour sa pousse dans le pays rochois qui revient pour une seconde édition. C'est à l'espace Armand Bouvard de Saint-Pierre-en-Faucigny ce samedi 11 octobre. Sur place, vous retrouverez un marché 100% gratuit, des informations sur le compostage avec Compostage Rochois. Il y aura également des conseils gratuits personnalisés sur la rénovation énergétique, des vélos à assistance électrique proposés à la location courte ou longue durée par Proximity, service de transport et de mobilité. Vous allez justement pouvoir vous renseigner sur tous les services de transport qu'il y a dans le pays rochois. Également au programme un Repair Café et la Prêt-au-Take, c'est à la base une démonstration de couches lavables, également des conseils pour un jardin zéro déchet, un événement gratuit ouvert à tous qui vise à promouvoir les initiatives innovantes, festives, conviviales du territoire. On part à Sallanches cette fois-ci. Radio Mont-Blanc, partenaire officiel du Rugby Club Faucigny Mont-Blanc, venez encourager l'équipe féminine du RCFM pour leur premier match à domicile de la saison. Elles affrontent Saint-Jean-de-Bournay, c'est ce dimanche 12 octobre au stade de Cayenne, c'est à Sallanches. Coup d'envoi à 14h, il est possible qu'on soit sur le bord du terrain. Dimanche 12 octobre à La Roche-sur-Foron, ce sera la foire de la Saint-Denis de 10h à 18h. Le centre-ville va vibrer au rythme d'une grande fête agricole où tradition, terroir, convivialité se donnent rendez-vous comme d'habitude. Les rues du centre-ville accueilleront plus d'une centaine d'exposants, des déambulations musicales, tandis que vous pourrez profiter de nombreuses activités à côté. Le village des producteurs, la mini-ferme, les manèges, la tyrolienne, ainsi que la découverte de vieux tracteurs, tonte de moutons, sculptures sur bois également seront au programme. Et une exposition de matériel agricole sera également présentée devant la mairie. Et DJ Matafon animera la scène à partir de 15h30. Et plein d'autres surprises également vous attendent.